بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حم La révélation de l'écriture émane de Dieu, le puissant, le sage. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Il y a certes dans les cieux et la terre des signes pour les croyants, et dans votre propre création, et dans les bêtes qu'il a disséminées sur la terre, il y a des signes pour des gens qui croient avec conviction. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans la subsistance que Dieu fait descendre du ciel, et par laquelle il redonne vie à la terre, après qu'elle ait été morte. Et dans les vents changeants, il y a en tout cela des signes pour un peuple qui raisonne. Tels sont les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelles paroles croiront-ils, après avoir rejeté Dieu et ses signes ? يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Malheur à tout imposteur et pécheur à qui sont récités les signes de Dieu et qui persiste dans son arrogance comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un douloureux châtiment. Si la connaissance de quelques-uns de nos signes, il les tourne en dérision, celui-là subira un châtiment humiliant. L'enfer est à leur trousse, et ce qu'ils auront acquis ne leur profitera point, pas plus que ceux qu'ils auront pris comme alliés en dehors de Dieu. Ils recevront un terrible châtiment. Ce Coran est une guidance, et ceux qui ne croient pas aux signes de leur Seigneur, Un supplice douloureux les attend. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون C'est Dieu qui vous a soumis la mer afin que les vaisseaux y voguent par son commandement et afin que vous partiez en quête de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissants. Il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et tout procède de lui. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. En cela, il y a certainement des signes pour les gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent pas voir arriver les jours de Dieu, afin qu'ils rétribuent chaque peuple selon ce qu'il aura acquis. Quiconque fait de bonnes œuvres, c'est pour son propre bien. Et quiconque fait le mal, agit contre lui-même, puis vous serez tous ramenés vers votre Seigneur. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Nous avons vraiment donné aux enfants d'Israël l'écriture, le commandement et la prophétie. Nous leur avons attribué de bonnes choses et les avons préférées à tous les autres peuples de leur époque. Nous leur avons également apporté des preuves claires, et ce n'est qu'après avoir reçu le savoir qu'ils se mirent à diverger par esprit de rivalité. Certes, ton Seigneur jugera entre eux au jour de la résurrection au sujet des différends qui les opposaient. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Et maintenant, nous te faisons suivre, ô Mohammed, la voie claire de notre commandement. Alors suis-la et ne suis point les passions des ignorants. Ils ne te seront jamais d'aucune utilité contre Dieu. Quant aux injustes, certains sont alliés les uns des autres, tandis que Dieu est le gardien et protecteur de ceux qui sont pieux. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ce Coran éclaire pour les humains, guidant ses miséricordes pour les gens capables de certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions s'imaginent-ils que nous les traiterons, au cours de leur vie et à leur mort, comme ceux qui croient et font de bonnes œuvres, comme ils jugent mal. En vérité, Dieu a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, et nul ne sera lésé. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Vois-tu celui qui érige sa passion au rang de divinité? Dieu l'égare sciemment, scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après que Dieu l'ait condamné? Ne prêterez-vous pas attention? Et ils disent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. De tout cela, ils n'ont en réalité aucune connaissance et ne font qu'émettre des conjectures. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et quand on leur récite nos signes si clairs, le seul argument qu'ils émettent est « Faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. » Dis-leur « Ô Mohammed, Dieu vous donne la vie, puis il vous fera mourir. Il vous rassemblera ensuite au jour de la résurrection, jour au sujet duquel il n'y a aucun doute, mais la plupart des hommes ne savent pas. » وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. À Dieu appartient le pouvoir suprême sur les cieux et la terre, et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les menteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre, et il leur sera dit. Aujourd'hui, vous serez rétribués en fonction de vos œuvres. Voici notre livre. Il témoigne contre vous en toute vérité, car nous avons fait enregistrer toutes vos actions. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Quant à ceux qui auront cru et fait le bien, leur Seigneur les accueillera en sa miséricorde, et ce sera là un triomphe évident. Et quant à ceux qui auront refusé de croire, il sera dit : Mes versets ne vous étaient-ils pas récités ? Mais vous étiez plein d'arrogance et vous étiez un peuple de criminels. Et quand on vous disait « La promesse de Dieu est vérité, l'heure viendra, pas de doute là-dessus », vous répondiez « Nous ignorons ce qu'est l'heure, nous ne la considérons que comme le fruit de conjectures. Nous ne sommes pas du tout convaincus qu'elle viendra un jour. » Et la laideur de leurs mauvaises actions leur apparaîtra, et ce qu'ils avaient l'habitude de tourner en dérision les cernera. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأن انكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Et on leur dira, aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de ce jour que voici. Vous aurez le feu pour refuge, et nul ne viendra vous secourir. Cela parce que vous preniez en raillerie les signes de Dieu, et que vous vous êtes laissé abuser par la vie d'ici-bas. À partir de ce jour-là, ils ne sortiront plus de l'enfer et ne pourront plus expier leurs fautes. Louange à Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des mondes. À lui seul appartient la majesté dans les cieux et sur la terre, et il est le puissant, le sage.